Chapitre 2. Le notaire de Valsemey. Monsieur Desnoux, notaire, avait 45 ans. Il était petit de taille, presque obèse, toujours vêtu de noir, une redingote longue lui battant les genoux. D'un faux col raide et éclatant de blancheur sortait sa tête rougeaude, rasée de frais, avec des yeux en boule de loto, une bouche à grosses lèvres, des cheveux grisonnants ayant l'allure d'une perruque. Quand le notaire traversait la rue de Valsemey, marchant lentement, sa serviette noire sous le bras, l'œil à terre, avec l'air d'un penseur, les boutiquiers le saluaient profondément. « Bonjour, monsieur Desnoux. »« Bonjour, mon cher monsieur, » répondait le notaire en levant lentement son chapeau haut de forme. Un sourire lui plissait les lèvres. « Quel brave homme !» disait le citadin. Et se tournant vers son gamin, occupé à jouer à la toupie. « Voilà un exemple à suivre, vois, monsieur Desnoux. Il est parti de rien et il est arrivé. Mais toi, tu n'es pas travailleur. Sais-tu ta leçon ?» Le gamin allait quelques pas plus loin faire tourner sa toupie, sans s'inquiéter du succès de monsieur Desnoux. Et le père, désespéré d'avoir donné le jour à un tel enfant, se rappelait le passé de l'excellent notaire. Fils d'un ouvrier forgeron qui lui donnait beaucoup de taloches et peu de pain, Desnoux, dont l'intelligence avait été remarquée par l'instituteur, était entré dès l'âge de 15 ans comme petit clerc chez maître Fresnay, notaire de Valsemey. Il était rusé, souple et pas feignant. Comme il avait une belle écriture, le maître clerc lui faisait copier tous les actes. Chez lui, il aurait reçu des gifles, autant valait rester jusqu'au soir à l'étude où il était aimé. Ses camarades de classe étaient devenus ouvriers et portaient la blouse. Lui avait un paletot. Il ne fréquentait pas ses anciens amis, leur disant le bonjour cependant. Le dimanche, il allait à la messe, puis revenait à l'étude. Quand Desnoux eut 20 ans, son patron, qui ne pouvait plus se passer de lui, paya un remplaçant à celui qui était devenu maître clerc. Les clients ne voulaient traiter qu'avec lui. « Monsieur Desnoux est si aimable, » disait-il. Certes, et les clients n'étaient pas seuls à le penser. La fille de maître Fresnay guettait du coin de l'œil, à table, le maître clerc de son père, qui s'en était aperçu. Un jour, il dit à Desnoux, « L'honnête homme, mon jeune ami, est rare à notre époque. Quand on en rencontre un, il faut savoir l'apprécier. Or, je sais ce que vous valez. Je vous connais depuis 15 ans. Je me fais vieux. C'est vous qui faites marcher mon étude. Ma fille vous aime. Les deux sont à vous. » Et Desnoux, qui avait manœuvré habilement sa barque, voyait son rêve réalisé en épousant la fille de son patron et prenant l'étude de Valsemey. Madame Desnoux, qui n'était ni jolie ni laide, avec une tête insignifiante, un corps un peu maigre, avait assez d'intelligence pour conduire sa maison, ne s'occupant d'ailleurs que de surveiller sa servante, son linge et les menus. Le notaire la rendait heureuse. Il allait tous les dimanches à la messe avec elle, puis la conduisait faire un tour de promenade ou des visites chez quelques amis. Madame Desnoux était dévote. Depuis la perte de ses deux jumeaux, elle avait été prise de mélancolie. Elle ne sortait plus de l'église. Elle aimait son mari sans passion, mais profondément, avec affection et respect. Jamais de soupçon d'aucune sorte ne l'avait effleuré. Pas le moindre écart à reprocher à M. Desnoux, et la brave femme était endormie dans le calme de son existence, plate comme l'eau d'une mare.